besoin d'écrire, tellement de choses à dire. Martyr d'une tristesse qui m'attire, envie de partir. Comme dans une période de transition, je manque de respiration, comme sous convulsion. Les conditions changent sans une conviction. Ma vie cette fiction, où j'amène cette convocation. La consolation, aucune conspiration à venir. Si tout pour un chantier en construction, incompréhension, même à cause de pulsions. Ouais, je ressens comme des millions de suçons causés par ma souffrance en totale réaction à des problèmes qui s'accélèrent jusqu'à l'infraction. En une fraction de seconde, j'embrasse la solitude, des nuits au goût d'amertume, mauvaise habitude, doute, incertitude. Voici une prélude à mon égo triste s'installant dans ma vie par interlude. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. La vie est comme un grand hôpital, de telle sorte que certains s'en sortent quand d'autres prennent la petite porte. Moi, je suis actuellement en opération par ce 10, attendant la réponse à travers ma zik. Des fois mal dans ma peau, comme quiconque doit avoir confiance en soi avant d'avoir confiance aux autres. Je rappe ma douleur avec le cœur sur le banc de touche, car ça couche avec n'importe qui, ma peine j'accouche. Quand je parle sur ce son, c'est le cœur qui s'exprime et t'explique la tristesse de ce triste texte en prime. Parce que le genre humain m'a déçu, c'est dans ces rimes que t'en verras un petit aperçu. Ouais, comme toi j'ai su faire face à la vie. Quand ça tombe dessus, tu te sens si petit. Pour ça que tu parais froid, et avant de me la boucler, tu attendras que ma boucle soit bouclée. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. Ma tristesse me baisse dans ses profonds malaises, où je trouve mon aise à faire de magnifiques 16. Car j'ai connu ces journées pluvieuses, beaucoup de précipitations, de pleurs et de colère orageuse. Mal au point de n'avoir plus peur de ma mort, trop mal en point car rabattu par des sorts. Je trouve que je reste fort face à toutes ces épreuves, mais tout ce que j'éprouve c'est une peine qui m'abreuve. Écrire pour remplacer des cris et décrire cet égo triste qui scribe, car esclave de mes lyrics. J'ai connu des mois vides et des scènes morbides à la manière du cid. Mon cœur est devenu lucide parmi ces pesticides. Qui est sincère, à quoi sert savoir, cet univers est un mystère. Pas dans mon assiette après mettre manger un festin d'emmerde. Cet égo triste en est le fruit, je vous dis merde. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. Je vis d'espoir et par la musique, être vrai et simple, c'est mon éthique. Parle pas sur moi, va te terminus. La mort sera comme pour toi mon seul terminus. Certains mènent d'autres mots sur tête. Les ours font combien de temps? Les ours font combien de temps? Les ours font combien de temps?